est dans la dance music. Bienvenue sur la fin de ce soir. Everyone clap your head. Everyone clap your head. Here. Everyone want to clap. Everyone want to clap your hand. Everyone want to clap your hand. Everyone want to clap your hand. Everyone want to clap your hand. Everyone want to clap your hand. Everyone want to clap your hand. Everyone just clap your hand. Open your eyes. the world is good. Everyone want your something in your heart. Open something up in your heart. Open your something up in your heart. Cause the world is good. Everyone want your stuff in your heart. Open something up in your heart. Open your something. Everyone want your stuff in your heart. Everyone just open your eyes. Change the world. Your man, I wanna change my man, and I'm giving my living. I wanna change my man, then I leave, then I leave. Change, wanna change. Change. I'm just saying it's all over. Protéger la terre. Arrêtez de fumer. Arrêtez la fumée. Arrêtez de fumer. Faut protéger la terre. Arrêtez de fumer. Faut protéger la terre des forces à des méchants. Protéger la terre des méchants. Protéger la terre. Protect my world. protéger la terre des méchants qui te frappaient dessus. Les gens, protégez-la, arrêtez de fumer, de salir la terre, vous polluez l'air. Protégez la terre, méchants. Protégez la terre de la fumée noire. Il est bon. Ça pue, ça pue. Dans les villages, dans les villes. Protégez l'air, protégez la terre. Ça pue. Dans les villages, dans les villes. Protégez l'air, protégez la terre. Bande de cochons, bande de méchants, bande de cochons, bande de cons. Bande de cochons, bande de méchants, bande de cochons, bande de méchants. Tu pollues la terre tant que tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Mickey est passé dans les glaciers. J'ai pu Mickey dans les chiens. Tu pollues la terre tant que tu pollues. Tu pollues la terre, tu pollues la terre, tu pollues la terre, tu pollues la terre. Tu pollues la terre, mère, tu pollues la terre, mère. Les arbres sont là pour te faire respirer. Tu pollues la terre, tu pètes dans l'air. Tu pètes, tu salis la terre, tu salis la terre. Hé, fil D, tu salis la terre avec ton fouet, tu fumes comme un porc, tu fumes comme un porc. Tu fumes comme un porc, porc, porcas, porcas, porco, porcas, porco, porcas, porco, porcas, fuel, fuel. Essence, essence, essence, pétrole, pétrole, cigarette, cigarette. Tu pollues la terre tant que tu... Tu pollues la terre tant que tu peux. Tu pollues la terre tant que tu peux. Mais tu pues trop. Tu pues trop. Tu pues, tu pues, tu pues trop. Tu pollues la terre tant que tu pues. Tu pollues la terre avec tes slips tachés de couleur noire marron. Tu pollues. Tu pollues, tu pollues. Oh. Chie dans la terre, chie dans la terre, chie dans la terre, chie dans la terre. Tu pollues. Tu devrais chier dans la terre. Tu devrais chier dans la terre. La terre, mère, t'as tant donné. Tu devrais chier dans la terre. Lève ton slip et chie dans la terre. Lève ton putain de slip et chie dans la terre maintenant. Thank you. ton slip. Tu vas lever ton slip. Va chier dans la terre maintenant. Tu vas chier dans la terre. Tu vas lui rendre tout ce qu'elle t'a donné. Tu prends tout de la terre, mais tu ne donnes rien. Tu vas subir. Tu devrais plutôt chier dans la terre. Tu prends tout et tu salis la terre. La terre ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas. Chie dans la terre. Chie dans la terre. La terre ne t'appartient pas. L'air ne t'appartient pas. Les gens ne t'appartiennent pas. Les gens ne t'appartiennent pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ta pensée ne t'appartient pas. Chie dans la terre. La terre ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas. Ne t'appartient pas. Chie dans la terre. Je ne t'appartiens pas. Mon slip ne t'appartient pas. Même ton slip ne t'appartient pas. Même ton slip ne t'appartient pas. Que le temps passe et le passé le temps. Ton slip va te rétrécir et avec le temps tu pourras plus le porter. Tu seras malotru. Mal engendré. Ton slip ne t'appartient pas. Avec le temps, tu pourras plus porter. Porter le temps. Tu portes le temps. Tu vas chier dans la terre comme des chiens dans la terre comme. Tu pourras plus t'en sortir. Plus sortir. Plus de slip. Plus de slip à porter. Plus rien à porter. Nu sur le sablier. Je suis complètement nu sur le sablier. Je suis complètement nu, j'attends le sablier. Tu cherches à t'habiller. Tu cherches à t'habiller. Que le ciel n'est que pour toi, tu n'es pas que t'es passé. On ne veut jamais aider, tu n'es pas que moi. À moins qu'il ne nous reçoive. Oh, il nous reçoit très bien, soyez-en sûr. Tu cherches à t'habiller, mais le temps pour ce temps passé. J'en suis passé. Approche d'une ceinture de météores tropicales. Quantité forte sur ma tête. Déflecteur à l'intérieur. Approche d'une ceinture de météores. Change la couleur de tes slips à un son. Change la couleur de tes slips. Change la couleur de tes slips. La pureté sera visible plus longtemps. Change la couleur de tes slips. La pureté sera visible plus longtemps. J'ai dédonné sur le vaisseau Captain. Je dirais que c'est un petit navire de transport, un cargo de classe H. Les régulateurs et tes générateurs ont surchauffé. File-moi ton slip, là. Essayez des avertures. S'il perdait de la puissance... File-moi ton slip. Je sais qu'il vaut de l'argent. Il dérive vers le nuage... Pas perdre de temps. Capitaine. File-moi ton slip. Je sais qu'il vaut de l'argent. Nous sommes en surcharge, capitaine. La température pas perdre de temps. Toujours. Pas perdre de temps. Millésime. Vas-y. Nous allons vous mettre en orbite, monsieur, temporairement. Allez-y, votre sick. When I was thinking of my chair, when I told you, I'm gonna say no. I'm gonna say no, when I was young, Vous le transférez à bord de l'entreprise. Nous avons le transfert, monsieur, temporairement. Allez-y, automation. Puissance de suspension sur orbite. Orbite pour 3 jours et environ 7 heures. Nous allons nous mettre en orbite, monsieur, temporairement. Allez-y. Nous allons nous mettre en orbite. Nous allons nous mettre en orbite, monsieur, temporairement. Ça, c'est Star Trek version bourrée. Automation. Nous allons nous mettre en orbite, monsieur, temporairement. Allez-y. Automation. Nous allons nous mettre en orbite, monsieur. Automation. Nous allons nous mettre en orbite, monsieur, temporairement. Allez-y, automation. Thank you. We'll be right back.